L'important, c'est d'avoir un rapport animal avec l'animal. Tout animal a un monde. C'est curieux parce qu'il y a des tas de gens, il y a des tas d'humains qui n'ont pas de monde. Peu à peu, les cochons retrouvent leur comportement instinctif. Bête comme ses pieds. C'est toi qui es bête comme tes pieds. Les animaux ont aussi leur histoire, par Michel Pastoureau et Mathilde Wagman. Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est midi et vous êtes bien sur France Culture. Chaque dimanche à midi, depuis le début de l'été, l'historien Michel Pastoureau, médiéviste et grand spécialiste de l'histoire de la symbolique occidentale, nous conte le parcours à travers les siècles d'un animal célèbre. Intelligent, habile, adroit, diplomate, espiègle, l'animal dont il va être question aujourd'hui est aussi réputé calculateur, sournois, flatteur, voleur, fourbe ou même carrément perfide. Malin, à n'en pas douter, mais malin comme un diable, rusé en un mot. Mais pour le meilleur ou pour le pire, les hommes semblent avoir oscillé d'une époque à l'autre entre l'éloge ou le blâme. Serait-ce parce qu'il est avant tout un animal sauvage qui donc, par définition, nous échappe ? C'est ce que nous tâcherons de comprendre. Aujourd'hui, portrait du renard. Renard, mon doux ami renard. Hermeline ? Notre vie fut bien remplie. Notre vie n'est pas terminée, Hermeline, ma renarde. Du moins, je l'espère. Mais la vie de nos petits commence. Mais nos renardeaux sont grands laits déjà. Ce sont goupils de bonne race. La patte fine, l'œil malin, le poil fourni, la queue touffue. Tels j'étais, tels nous étions, Hermeline, quand nous avions leur âge. Mais Revel, notre petit troisième, ne crois-tu pas, renard, que le temps est venu de lui enseigner la vie? Je voudrais tant éviter à notre dernier né les pièges où nous sommes tombés, toi et moi. Ce sont justement ces pièges où on laisse du poil qui font le vrai goupil. Bonjour Michel Pastoureau. Bonjour. C'est Bourvil qui interprète Renard dans cette adaptation pour enfants du roman de Renard, enregistré en 1972. Pour ouvrir cette émission, il convient sans doute de commencer par rappeler que Renard, avant d'être le nom commun que l'on connaît aujourd'hui dans la langue française, fut d'abord un nom propre, le nom de ce personnage de roman. Oui, le héros du roman de Renard, c'est un goupil, et le mot est d'usage courant jusqu'à la fin du Moyen-Âge, en concurrence avec renard, donc, pour cette fin du Moyen-Âge, et puis ensuite les choses s'inversent. Goupil vient du latin vulpes, très banalement, c'est l'évolution phonétique normale, et renard, c'est un nom d'origine germanique et un nom propre donné à ce héros animal de cet ensemble de textes qu'on appelle le roman de Renard, dont les différentes morceaux, dont les différentes fables, dont les différents contes sont composés dans la seconde moitié du XIIe siècle et la première du XIIIe. Ce qui est intéressant, c'est que Goupil disparaît peu à peu de la langue ordinaire et finit par devenir un nom propre, au point que Louis Pergaud, par exemple l'auteur de La guerre des boutons au début du XXe siècle, écrit un livre qui s'appelle « De Goupil à Margot ». Ce sont deux noms propres. Ou bien, dans les livres pour enfants actuels, j'ai repéré un titre « Les aventures de Maître Goupil », comme si Goupil était devenu un nom propre et Renard un nom commun. Oui, c'est une forme d'inversion en fait. Inversion totale entre les deux vocables. Alors justement, le nom de Renard, avant d'être le nom propre donné au personnage, du goupil donc dans le roman de Renard, est-ce qu'il avait une signification? Pourquoi ceux qui ont composé le roman appellent-ils le goupil Renard? Le nom est d'origine germanique, c'est un nom propre de personne sous la forme Reginhard ou Reinhard, qu'on peut décomposer comme habile en conseil, habile à donner des conseils, quelque chose comme cela. Donc le renard, c'est le beau parleur et par extension l'hypocrite, le fourbe. Et ça convient assez bien pour le personnage mis en scène par les différentes branches du roman de Renard. Justement alors, qu'est-ce qui caractérise le renard du roman de Renard ? Il évolue au fil du temps. Dans les plus anciennes branches, à partir des années 1170-75, il est encore sympathique au lecteur. Bien sûr, il joue des tours à tous les animaux, et notamment à Isengrin, le loup, à la fois son compère et son ennemi, et même au lion, le roi noble qui règne sur cette société animale. Et puis au fil des branches et des décennies, le personnage devient de plus en plus fourbe, de plus en plus vicieux, et le renard des derniers textes, soit ceux du milieu du XIIIe siècle, et plus encore des continuations de la fin du XIIIe siècle, c'est une créature épouvantable, au point que l'on crée le substantif « renard » pour qualifier tout ce qui relève du triomphe de la félonie, de l'hypocrisie, du mensonge et de la trahison. Oui, c'est aussi un voleur, hein, le renard, dans le roman. Dans le roman et dans la réalité aussi, c'est un grand voleur de poules. Le roman de Renard, c'est un ensemble de textes dont, au fond, le thème principal, c'est la faim, F-A-I-M. Tout le monde a faim, tous les animaux ont faim et cherchent à trouver des proies et de la nourriture. Ils sont rivaux pour ce faire et certains d'entre eux n'hésitent pas à voler, dérober et consommer, bien sûr. Et le renard et le loup sont les deux vedettes chez ces animaux voraces. Roman de la faim, ça nous raconte aussi quelque chose de la réalité du Moyen-Âge, de l'époque à laquelle le roman a été écrit. Oui, c'est un problème. Dans quelle mesure cet ensemble de textes traduit de manière distanciée une certaine réalité de la vie des campagnes? Nous sommes dans une période où pourtant l'Occident est prospère et où on a une expansion à la fois économique et démocratique. Pas grand monde n'a faim dans les années 1200 en Europe occidentale. On n'est pas au XVIIe siècle où tout le monde a faim. Le XIIIe siècle est plutôt un siècle prospère. Mais quand même, la vie est difficile. Il y a des hivers rigoureux. On a beaucoup débattu aussi pour savoir si cette littérature était une littérature d'origine populaire ou une littérature plus savante. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes ont complètement abandonné l'hypothèse populaire, le roman de Renard étant une création soit de l'esprit bourgeois, soit une émanation du folklore et des traditions des campagnes. Non, c'est une littérature savante et même hyper savante qui est due à des clercs qui ont des connaissances littéraires très poussées, et notamment des textes latins qui précèdent les versions en langue vernaculaire des aventures de Renard et d'Isengrin. Littérature savante, mais aussi très savoureuse. Je voudrais vous en lire un petit extrait pour que nos auditeurs qui ne connaîtraient pas tous forcément le roman comprennent un peu de quelle teneur ce texte est fait. C'est un extrait du Puits et le narrateur décrit ainsi le personnage de Renard. « Je vais vous raconter, et ne pas vous taire plus longtemps, une branche et un mauvais tour, un seul de celui qui sait tant de ruses. Il s'agit de Renard. Renard n'indique à personne le chemin le plus direct. Renard met tout le monde en détresse. Renard séduit, Renard cajole. C'est une fort mauvaise école que celle de Renard. Avec lui, on ne s'en tire pas avec les brénettes. Jamais on ne sera assez son ami pour cela. Il est, de façon superlative, habile et rusé, Renard. » Et pourtant, ce n'est pas quelqu'un qui cherche des histoires. Habile et rusé, Michel Pastoureau, ce sont les deux caractéristiques principales, non seulement de ce personnage, mais aussi du personnage du renard à travers les siècles. Oui, c'est un animal habile, comme le dit son nom d'ailleurs. C'est un animal rusé, c'est un animal fourbe, félon, voleur, beau parleur, séducteur, féminin même, pourrait-on dire. Il y a tous ces adjectifs qu'on peut lui attribuer. C'est aussi, et les auteurs du Moyen-Âge le soulignent, c'est un animal qui ne va jamais droit. D'ailleurs, son nom est parfois interprété, son nom latin, vulpes, comme celui qui ne marche pas droit. On le décompose en quelque chose comme volutans pedibus, qui se serait contracté. Volutans pedibus, c'est-à-dire celui qui virevolte avec ses pieds. Et de fait, un renard, ça ne marche jamais droit. Au Moyen-Âge, c'est un très grand péché de ne pas marcher droit, d'avancer en zigzag, d'avancer à reculons comme l'écreviste, qui est une créature du diable, ou bien d'entrer de biais dans une église. C'est un immense péché. Donc on est très attentif à ce genre de choses, et le renard, c'est l'animal qui ne va pas droit, qui ne fait jamais les choses directement, qui ne parle jamais dans un seul sens. Bref, il est tordu, il est crocheteur. D'ailleurs, le sens figuré du mot renard dans ce qu'on pourrait appeler le bestiaire de l'outil à partir du XVIIe au XVIIIe siècle désigne une espèce de crochet avec trois directions pour éventuellement crocheter les serrures ou défaire ce qui est trop bien accroché. Il est le plus malin de tous les animaux, plus malin que tous les autres animaux. Il lui arrive d'échouer parfois dans le roman de Renard contre des plus faibles, mais il est toujours vainqueur des plus forts. Il a aussi un côté justicier. Oui, d'où les extensions que l'on a fait dans le dessin animé, la bande dessinée, l'assimilation de Renard à Robin des Bois. Oui, dans le dessin animé de Walt Disney, par exemple. Défenseur des plus faibles, ou à Zorro, pareillement, ça n'est pas absurde. Il y a cette idée-là dans le roman de Renard. Renard est parfois... perdant face à des animaux tout petits comme la mésange par exemple, et puis il est toujours vainqueur d'animaux bien plus forts que lui, notamment ses deux victimes principales, Isengrin le loup et Brun l'ours. La Fontaine a peut-être lu le roman de Renard, en tout cas il met en scène de très nombreuses fois le renard dans ses fables, ainsi par exemple bien sûr le corbeau et le renard, qui reprend la figure d'un renard beau parleur malicieux. Oui, c'est une des fables les plus anciennes. Nous connaissons la version de La Fontaine, mais il y en a déjà qui sont grecques, romaines, médiévales. Ce qui est intéressant pour l'historien des animaux, c'est que dans cette fable, le renard a le beau rôle et le corbeau est ridicule et peu intelligent, alors que tous les auteurs, depuis l'Antiquité romaine au moins, soulignent l'intelligence du corbeau et l'intelligence du renard. Ils sont d'ailleurs plus ou moins compères dans la réalité zoologique de la vie des campagnes. Mais là, c'est le renard qui a le beau rôle, comme toujours dans les femmes. C'est vraiment l'animal intelligent. C'est la vedette, d'ailleurs, du bestiaire des fables. Depuis Ésope jusqu'aux fables les plus récentes, il y a des animaux plus fréquents que d'autres. Le lion, l'ours, le singe, le chien, le corbeau, le loup et surtout le renard, quantitativement, c'est celui qui intervient le plus souvent. Dans la première branche du roman de Renard, à la première histoire, le jugement, des animaux sont victimes de la fourberie de l'animal et ils réclament justice au roi noble, le lion. Un procès a lieu, le renard est condamné à être pendu, mais il finit toujours par s'en sortir. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les fables de La Fontaine, le renard s'en sort quoi qu'il arrive. Oui, alors il utilise différents moyens pour ce faire. Soit il parle et il finit par apitoyer ou séduire ceux qui l'ont puni ou condamné. C'est le cas du roi noble qui est un roi généreux, c'est un roi qui pardonne et qui pardonne trop à Renard. Les grands barons, les autres animaux le lui reprochent d'ailleurs. Soit Renard... fait le mort, il fait semblant d'être mort et alors on ne peut pas le punir puisqu'il est mort et naturellement il n'est pas vraiment mort et il finit par s'échapper. Soit il promet, jure qu'il va venir à récipiscence, partir en pèlerinage et naturellement il ne tient pas sa promesse et échappe à ceux qui l'ont jugé et qui l'ont puni. Donc il s'en sort toujours et il n'y a pas une seule branche où le renard où ça finirait mal pour lui, en quelque sorte. Le lecteur attend cette branche, personne ne l'a jamais écrite. C'est un peu comme dans le dessin animé mettant en scène le coyote et avec l'histoire de l'oiseau qui fait bip bip et que le coyote n'arrive jamais à attraper, le coyote étant une sorte de renard. J'espère qu'avant la fin de mes jours, je verrai un épisode où le coyote va dévorer l'oiseau. Oui, c'est en quelque sorte, on a envie, à la lecture des histoires du roman de Renard, qu'enfin toutes ces victimes soient vengées. Oui, surtout les animaux pour lesquels nous avons de la sympathie et qui sont très très nombreux à être victimes du renard, des animaux quadrupèdes, mais aussi des oiseaux et aussi même des paysans, puisque le roman de Renard, c'est assez curieux, met en scène une société animale dans laquelle les hommes sont présents, des paysans. C'est toute l'habileté au fond des auteurs, qui sont plusieurs, beaucoup ne sont pas connus. C'est aussi l'habileté de La Fontaine dans ses fables. Ces animaux sont à la fois des animaux, des types humains qui représentent telle ou telle idée, et puis des individus avec leur nom propre, leur caractère, leur famille, leur parenté. Et le lecteur s'y retrouve très bien. Tout ça est extrêmement habile, comme si le renard avait influencé la mise en scène de sa propre histoire. S'il a une qualité dans le roman, et dans les fables de La Fontaine aussi d'ailleurs, c'est l'intelligence. C'est grâce à son intelligence qu'il s'en sort. Le renard est un animal intelligent. Le renard de la zoologie véritable l'est aussi, puisque les paysans savent très bien qu'il arrive à déjouer les pièges et les grillages que l'on a installés ici ou là pour qu'ils n'entrent pas dans le poulailler, et tous les renards finissent par entrer dans les poulaillers, y compris les mieux protégés, parce qu'ils sont observateurs, parce qu'ils savent déduire, parce qu'ils savent trouver de nouveaux chemins pour pénétrer, parce qu'ils savent surtout ruser. Cette intelligence est celle de la ruse et de ce qu'on pourrait appeler la fin justifie les moyens, ce qui au Moyen-Âge n'est pas du tout digne d'admiration. Oui, justement, la ruse, hein, c'est une qualité qui a un statut pour le moins ambivalent. Au Moyen-Âge, la ruse du renard, c'est presque un côté, si ce n'est diabolique, du moins du côté du mal. Ah, c'est du côté du mal, oui, c'est un vice, c'est même un vice extrêmement grave. On n'a aucune admiration au Moyen-Âge pour les hommes et les femmes rusés. La ruse, c'est un immense péché parce que elle est construite sur la tricherie, le mensonge, l'hypocrisie. On n'est pas ce que l'on dit être ou ce que l'on se présente être. Donc, dans les systèmes de valeurs, évidemment, les choses évoluent et on est plus indulgent aujourd'hui pour la ruse. Même on admire la ruse de certains hommes politiques ou de certains chefs d'entreprise. Au Moyen-Âge, c'est abominable. C'est une qualité du diable, la ruse ? Oui, le diable est le rusé par excellence, le malin par excellence. Le diable est intelligent, il est malin, il est rusé, il est perfide, exactement comme renard. Tous les deux partagent cet adjectif substantivé, ce sont le malin, l'un et l'autre. Le diable, comme renard, se déguise, trompe, séduit. Il trompe spécialement les femmes et les moines qui sont... ses victimes préférées. Il y a vraiment un cousinage entre le diable du Moyen-Âge central et le renard, héros de ces textes littéraires qu'on appelle le roman de renard. Si on va y voir un peu du côté de l'iconographie, comment le renard est-il représenté au Moyen-Âge ? Dans les images, le renard est plus grand qu'il n'est dans la réalité proportionnellement aux autres animaux. Qui a déjà vu un renard vivant, un vrai renard, est toujours frappé par sa petite taille. Oui, il a la taille d'un chat dans la réalité. Il a la taille d'un chat, il a une queue longue. Mais si on fait abstraction de la queue, c'est pas grand-chose, un renard. C'est très très modeste par rapport à l'image que l'on s'en fait. Dans les images médiévales, il est plus gros, mais surtout, il a une couleur particulière. Il est roux. C'est l'animal roux par excellence. Et être roux au Moyen-Âge, ça n'est pas valorisant, tant s'en faut. On a l'impression que pour la sensibilité médiévale et pour les systèmes de valeurs qui en découlent, le roux, c'est-à-dire une sorte d'oranger foncé, associe sur lui les mauvais aspects de la couleur rouge et les mauvais aspects de la couleur jaune mélangés. C'est-à-dire, alors c'est quoi les mauvais aspects de la couleur rouge et de la couleur jaune ? Toutes les couleurs sont ambivalentes, donc il y a un bon et un mauvais rouge. Le mauvais rouge, c'est la colère, la luxure, l'orgueil, les crimes de sang, la transgression, la faute, le péché, etc. Tout ça, c'est le mauvais rouge. Et puis, le mauvais jaune, c'est le mensonge, la trahison, la perfidie, l'hypocrisie et même la maladie. La Bible, elle aussi, hein, réserve la rousseur aux personnages traîtres, fourbes, à ceux qui sont du côté du mal. Par exemple, le roux le plus fameux de la Bible, c'est peut-être Judas. Oui, enfin, la Bible ne parle pas de l'aspect physique de Judas ni de sa pilosité. Ce sont les traditions médiévales, d'abord les textes, puis les images, qui le dotent d'un certain cortège d'attributs de plus en plus péjoratifs, avant et surtout après l'an 1000. Et les attributs les plus récurrents sont un masque bestial, une robe ou un manteau jaune ou jaune et vert, et puis surtout, pilosité, barbe et cheveux, roux. C'est ça qui fait que Judas est Judas. Et ça suffit pour le distinguer des autres apôtres et en faire un personnage totalement négatif. Mais dans les images médiévales, il y a d'autres roux célèbres, pourrait-on dire. Par exemple, dans l'histoire de Caïn et Abel, Caïn, le meurtrier, est souvent représenté avec des cheveux roux. Dalila, la traîtresse, qui entraîne la perte de Samson, est une femme à cheveux roux. Ganelon, alors c'est pas la Bible, mais c'est la chanson de texte. Ganelon, le traître de la chanson de Roland, est parfois figuré dans les miniatures avec des cheveux roux. Rappelez-nous l'histoire de Ganelon dans la chanson de Roland, parce que je suis pas sûr que tous nos auditeurs connaissent bien cette histoire. Eh bien, Ganelon est un baron de Charlemagne. Il est très jaloux du neveu de Charlemagne qui s'appelle Roland, qui est envoyé en mission vers la péninsule ibérique pour rencontrer les rois sarrasins. Charlemagne aimerait faire la paix avec eux. Et Ganelon trahit et fait alliance avec ces rois sarrasins pour que Roland et l'avant-garde de l'armée de Charlemagne tombent dans un piège, le fameux épisode de la bataille de Roncevaux et de la mort de Roland. Mais la ruse et la trahison de Ganelon sont découvertes et, selon l'usage médiéval, non seulement Ganelon est mis à mort, il est écartelé, mais tout son lignage avec lui. 30 de ses parents sont pendus. Donc la rousseur du renard, Michel Pastoureau, c'est l'un des éléments qui permettent d'expliquer qu'il soit si décrié au Moyen-Âge ? C'est un attribut, en tout cas, qui le désigne comme un animal dont il faut se méfier, un animal rusé, perfide, menteur, traître, un animal donc péjoratif. Il faudra du temps, d'ailleurs, dans les systèmes de sensibilité occidentaux pour que les cheveux roux se revalorisent et que les femmes rousses, qui sont souvent des mauvaises femmes dans les sociétés anciennes, deviennent des femmes reines de beauté, séductrices, recherchées, grandes amoureuses. Il faut attendre l'époque romantique, au fond. Vous avez beaucoup écrit, Michel Pastoureau, sur les bestiaires du Moyen-Âge, hein, ces livres qui décrivent les animaux. Est-ce que le renard est présent dans ces bestiaires ? Oui, le renard est présent dans les bestiaires. Et ce qui est frappant, c'est que il est parfois rangé au nombre des animaux domestiques. La frontière entre le domestique et le sauvage, pour les auteurs du Moyen-Âge, ne se situe pas tout à fait au même endroit que pour nous. Aujourd'hui, les zoologues considèrent qu'est domestique un animal dont l'être humain maîtrise la reproduction. Au Moyen-Âge, on considère, en convoquant l'étymologie, qu'un animal domestique, c'est un animal qui vit autour ou dans la maison, la domus en latin. Donc son domestique, le chien, le chat, les animaux de la ferme, mais aussi tous ceux qui vivent autour, le rat, la souris, la taupe, le corbeau, le merle, la pie et le renard, grand familier du poulailler, sont des animaux parfois considérés comme domestiques. Et dans les bestiaires, c'est là qu'on le place en général. Une fois qu'on a parlé des animaux qui vivent dans la maison et autour de la maison, on passe au renard. C'est sa place normale. Et ce qu'on en dit, bien sûr, est fortement négatif. On redit tout ce que nous venons de dire, tiré du roman de renard et des fables. Ses vices, son hypocrisie, sa ruse, la façon dont il est absolument inapprivoisable, bien que domestique, ça nous choque. Oui, c'est ça, c'est une contradiction, on a du mal à comprendre aujourd'hui. Oui, mais nos définitions ne sont pas celles d'autrefois et ne seront pas celles de demain. Il est probable que les zoologues qui nous suivront dans 2 ou 3 siècles souriront ou riront de ce que racontent les plus grands zoologues de notre époque. L'historien sait bien qu'il n'y a pas en ce domaine des vérités définitives, mais une histoire des savoirs qui est mouvante et qui continue d'évoluer. Donc ne nous moquons pas de ce que racontent les auteurs anciens et les auteurs du Moyen-Âge, sinon nos successeurs riront de nous comme nous rions de nos prédécesseurs. Mais en tout cas, dans les faits, s'il est une particularité du renard, c'est qu'il est profondément sauvage. Il est impossible d'apprivoiser un renard en réalité. Oui, dans la réalité, y compris la plus quotidienne aujourd'hui, un renard peut se laisser approcher, encore c'est difficile. On croit qu'il va être un peu familier, en fait il ne l'est absolument jamais. C'est le propre des animaux sauvages, mais certains sont plus sauvages que d'autres, et malgré les apparences, malgré un aspect un peu doux et doucereux même, pourrait-on dire parfois, le renard est pleinement sauvage. Le renard, c'est aussi depuis le Moyen-Âge un animal que l'on chasse. Il a même donné lieu à des rituels spécifiques de la chasse. On chasse le renard depuis des temps très anciens et les livres de vénerie du Moyen-Âge accordent une place importante à la chasse au renard, ce qui en soi est un document. Ça souligne que la chasse, c'est d'abord un rituel et pas du tout une quête de nourriture. Personne ne mange de renard, donc on ne chasse pas le renard pour en faire un produit alimentaire. Même les chiens ne mangent pas le renard. C'est quelque chose qui est totalement infect et qui a une odeur épouvantable. Mais on chasse le renard parce que le renard est beau coureur, rusé, qu'il fait des tours et des détours, et donc les veneurs ont plaisir à cheval à le suivre. Ça existe au Moyen-Âge, ça existe à l'époque moderne, ça existe encore à l'époque contemporaine, et ça s'accompagne de rituels particuliers. C'est peut-être la chasse au renard, pas seulement en Angleterre et en Écosse, mais aussi sur le continent, qui est la plus ritualisée avec ses codes, ses conventions, sa musique spécifique, la musique vulpine, faite de sons de cors de chasse et d'autres instruments, un uniforme particulier où le rouge est omniprésent, voire le roux parfois. Bref, c'est un rituel aristocratique, bien sûr, qui a traversé les siècles et qui donne aux renards un statut très particulier. Les renards, ce sont aussi des porteurs de la rage, et ils ont aussi fait l'objet d'une autre forme de chasse, hein, d'une guerre qui visait à leur destruction. Le renard, en effet, est sensible à cette maladie que nous appelons la rage, et il la transmet assez facilement, notamment simplement par sa salive ou son urine, qu'il dépose sur des baies sauvages, par exemple, et ça peut être dangereux pour d'autres animaux et pour l'être humain. Alors, c'est un point tel que les rumeurs ont souvent amplifié le phénomène, et la géographie de la rage diffusée par les renards, on en a conscience au moins depuis le XVIIe, voire depuis le XVIe siècle, il y a la géographie réelle et puis la géographie liée aux rumeurs qui est beaucoup plus vaste. Mais en tout cas, ça n'est pas un mythe. Le renard est un des agents de la propagation de la rage, et aujourd'hui encore, il y a une cartographie qui dresse une ligne quelque part vers l'est de la France, au-delà de laquelle les renards propagent la rage assez facilement. Et lorsque nous avons préparé cette émission, Michel Pastoureau, vous m'avez dit, ce que je ne savais pas du tout, qu'il était possible de rencontrer des renards aujourd'hui dans le métro. Oui, dans le métro londonien, ils sont extrêmement nombreux, dans les couloirs du métro, mais aussi dans les couloirs du métro parisien, autour des grandes villes, en banlieue pavillonnaire, il y a beaucoup de renards parce que là, ils n'ont aucun prédateur. Ils ont de la nourriture, ils fouillent des poubelles, le renard est omnivore, il peut manger beaucoup de choses, et notamment ce que laisse l'être humain. Ils vivent dans les jardins, plus ou moins abrités, mais aussi dans les garages, dans les souterrains et dans les couloirs du métro. Il a fui les campagnes où l'homme lui faisait une guerre acharnée, incendiant ses terriers, etc. Donc, malin comme il est, il s'est déplacé, il s'est approché des villes où on le cherche moins, et là, il est beaucoup plus tranquille, et il a tout à fait de quoi se nourrir et vivre paisiblement. The fox went out in a chase one night, prayed to the moon to give him light. He had many a mile to go that night before he reached the town. Oh, town, oh, town, oh. Many a mile to go that night before he reached the town. Merci beaucoup Michel Pastoureau. On se quitte au son de la voix de Harry Belafonte, qui lui aussi rendait hommage au renard dans cette chanson The Fox. Sur le renard, je renvoie nos auditeurs à votre livre sur les bestiaires du Moyen-Âge, paru au Seuil, ainsi qu'au livre Les animaux célèbres, paru chez Bonneton, et dans lequel vous consacrez, entre autres articles, un article passionnant sur le roman de renard. Vous pouvez retrouver toutes les références bibliographiques et musicales de cette émission à la page de l'émission sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez aussi réécouter cette émission en ligne, la télécharger et télécharger tous les autres épisodes de cette série sur le site de France Culture. Down, oh, Les animaux ont aussi leur histoire. C'était une émission réalisée par Anne Pérez avec la collaboration de Romain Couturier et d'Antoine Vuilloz et avec aujourd'hui à la technique Émilie Couette. Nous retrouverons Michel Pastoureau dimanche prochain à la même heure pour la dernière émission de l'été déjà, mais nous finirons en beauté puisqu'il sera question la semaine prochaine du plus réel de tous les animaux imaginaires, j'ai nommé la licorne. Well, the fox, he came to his own den. There were the little ones, 8, 9, 10. Said that he better go back again, 'cause it must be a mighty fine town. Oh, town, oh, town, oh, town, oh. Daddy better go back again, 'cause it must be a mighty fine town. Daddy better go back again, 'cause it must be a mighty fine town. Oh. Well, the fox and his wife, without any strife, cut up the goose with a carving knife. They never had such a supper in their life, and the little ones chewed on the bones. Oh, bones, oh, bones, oh, bones, oh. Never had such a supper in their life, and the little ones chewed on the bones. Never had such a supper in their life, and the little ones chewed on the bones. Never had such a supper in their life, and the little ones chewed on the bones. Never had such a supper in their life, and the little ones chewed on the bones. Oh.